Essayer de pas le perdre. Comme mes enfants, je les ai perdus au magasin et je les ai jamais retrouvés. Non, c'est pas vrai. Mais ça a failli m'arriver à moi. Mais bon, bref, quand j'étais petit. Bon, on s'en fout. Qui est-ce? Vous savez bien que j'avais demandé à ne pas être dérangé ce matin. Jane! Ouais. Ok. Qui est-ce? Vous savez bien que j'avais demandé à ne pas être dérangé ce matin. Jane! Dull! Ok. Hop. Qui est-ce? Vous savez bien que j'avais demandé à ne pas être dérangé ce matin. Jane! Je vois très bien. Qui est-ce? Vous savez bien que j'avais demandé à ne pas être dérangé ce matin. Jane? Ouais, bah là, je viens de remarquer que j'avais rajouté un mot. Et oui. Et jeune. Tu vois? Il est pas si vieux que ça. De quoi? Ah, oh, j'ai même pas écouté. Eh ouais. Moi, je suis comme ça, moi. Je fais des trucs surprenants mais agréables. Attends, on ne l'a fait que deux fois, du coup je la refais une dernière. Qui est-ce? Vous savez bien que j'avais demandé à ne pas être dérangé ce matin. Jane! Ah! J'ai appelé Jane, mais c'est James qui vient. Saloperie. Oh, Jane, vous êtes donc transgenre? Écoutez, excellente nouvelle, je vous souhaite beaucoup de bonheur. C'est ça! Le gros bâtard. N'oubliez pas que ici nous sommes dans un ministère quand même, on va pas se mettre à être libre. Alors, c'est parti pour la langue de bois. Ou alors pas, parce que vu qu'il adore sa famille et que c'est son neveu. Ouais. Ok. Ah oui, regarde. Je me suis levé comme ça ce matin. Oui, c'est ça, c'est exactement la même. Ah, mon cher James, bordel de merde, j'y arriverai pas, hein. Changez de prénom, les enfants. Ça commence à bien faire. Ah, mon cher James, entre, j'ai toujours du temps pour la famille. C'est nul. Mais je l'ai lu plusieurs fois à pas haute voix. Attends. Ah, mon cher James, entre, j'ai toujours du temps pour la famille. Alors, où en es-tu de cette traque? Alors moi j'allais faire. Alors, deux points. Où en es-tu de cette première track? Non, le mec, t'es vraiment trop ouvert au truc. Point d'interrogation. Ah, virgule, mon cher James. Point d'exclamation. Entre, virgule, j'ai toujours... J apostrophe est toujours du temps pour la famille, point d'exclamation. Ça doit être bien. Ce serait très vite, très chiant. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Mais on est à 5 minutes, on est à la deuxième réplique. Presque 6 minutes. Ah oui, mais parce que sinon ça me casse tout. Hop là. Hop. Eh ouais. Alors. Attends, mais si tu veux, je mets en pause à partir de maintenant. Ah, mon cher James. Entre, entre, j'ai toujours du temps pour la famille. Alors. Où en es-tu de cette première track? Attends, je vais essayer de le faire joyeux. Ah, James, je vais remettre mon pantalon, attends deux secondes. Tu ne regardes pas l'historique de mon ordinateur, s'il te plaît? Ah, mon cher James, entre, entre. Bah non, là, j'ai fait encore. Entre, entre, j'ai toujours du temps pour la famille. Alors, où en es-tu de cette première track? Où en es-tu de cette première track? Alors, où en es-tu de cette première track? Alors, t'en es où, bordel? Ah, mon cher James, entre, entre, j'ai toujours du temps pour la famille. Alors, où en es-tu de cette première track? Non, c'est, je vois très bien pourquoi ça marche pas. Je vais essayer de faire un truc un peu plus fluide pour la deuxième partie. Alors, où en es-tu de cette première track? Alors, où en es-tu de cette première track? Ouais, on va passer à la suite alors. Hop, pause. Ah, bon. De qui s'agit-il déjà? Ah, bon. Ah bon, alors de qui il s'agit déjà? Ou alors je vais faire comme mon papy. Allez, je fais comme mon papy. Je suis en train de le faire là, il est mort. Alors. Ah bon, de qui s'agit-il déjà? Non, pas du tout. Je viens de recommencer et c'était nul à chier. J'en ai enregistré deux avant, je crois. Oh. Allez. Ah, bon. De qui s'agit-il déjà? De qui s'agit-il déjà? Je soulève mes sourcils. Ça me dit quelque chose. Ah, ça me dit quelque chose, ça. J'ouvre mes tiroirs. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une gomme dans mon tiroir! Ça veut dire que je vais pouvoir effacer mon crayon. Oui, je n'en ai plus besoin. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Quel troubadour. Ah, cela me dit quelque chose. Ah, cela me dit quelque chose. J'ai déjà vu ça. Là, c'est le dossier Flantier, évidemment. Ça a pris le dossier Flantier. On n'a pas un dossier qui s'appelle pas Flantier par ici? Ah, ça me dit quelque chose, ça. Ça émoustille mon hippocampe. Ah oh non, pas lui. Oh. Oh. Non. Ah, ça me dit quelque chose. Ah, ça me dit quelque chose. Ça me dit, ok, on peut passer à la suite. C'est bien ça? Exactement. C'est une tâche bien rude. C'est comme ça que m'appelle ma femme. En tout cas, elle m'a souvent traité de pauvre tâche. Ce qui est faux, car je suis riche. Je crois que tu voulais dire qu'il ne sache, mon cher neveu, mais ne t'en fais pas, je connais mieux tes répliques que toi. T'as dit qui... Hein. C'est une tâche bien rude pour une première traque. Tu t'entends bien avec les autres? C'est une tâche bien rude pour une première traque. Tu t'entends bien avec les autres? Ok. Ah, c'est une tâche bien rude pour une première traque. Tu t'entends bien avec les autres? C'est une tâche bien rude pour une première traque. Tu t'entends bien avec les autres? Ouais, celle-là, c'était la meilleure. C'est une tâche bien rude pour une première track. Tu t'entends bien avec les autres? Ah, c'est une tâche bien rude pour une première track. Je me suis perdu. C'est une tâche bien rude pour une première track. Tu t'entends bien avec les autres? Tu t'entends bien avec les autres? Tu ne te plains pas? Ça m'étonnerait, je suis presque sûr que tu es un homme blanc. C'était ta réplique. Allô? Ah, ok. Alors, donc, je ne me plains pas. Tu me le dirais, hein? Si je peux faire quelque chose, mon service est proche des hommes. Alors, autant en profiter. Il n'y a pas de mal. N'importe quoi. C'était... N'importe quoi. Mon service est proche des hommes. Alors, autant en profiter. Il n'y a pas de mal, mon cher. Non, que du bien. Ah, très bien, ça me plaît. Excusez-moi, je sors du bain. Oui, c'était une blague. Tu me le dirais, hein? Si je peux faire quelque chose. Mon service est proche des hommes, alors autant en profiter, hein. Il n'y a pas de mal. Alors, c'est ce job comme ça. Tu me le dirais, hein? Oh, mais t'en fais pas, tout à l'heure j'ai fait un row silencieux, moi, donc on est quitte. Tu me le dirais, hein? Si je peux faire quelque chose, mon service est proche des hommes, alors autant en profiter. Il n'y a pas de mal. Ouais, c'était comme ça que je la voyais, donc j'espère que c'était ça. Est-ce que je le refais encore? J'en ai fait deux bien et une complètement pourrie, je pense. Donc on va. J'en ai fait 25. Tu me le dirais, hein. Bah d'accord, bah on passe à la suite. Ok. Juste par curiosité. Mais... Juste par curiosité, où se rendent ces deux enfants? Juste par curiosité, où se rendent ces deux enfants? Elle a complètement, complètement. Non, non! Aucun lien! Je suis fils unique! J'ai oublié. J'ai des notes, mais je l'ai oublié. Tu me le diras, hein? Non, c'est l'autre. Ça, c'était celle d'avant. Juste par curiosité, où se rendent ces deux enfants? J'en fais une pour la sécurité. Tu es sûr? C'est ça. T'es sûr? Sans déconner? Tu en es sûr? Attends. Tu en es sûr? Tu en es sûr? Non, pourquoi j'ai fait un E? Tu en es sûr? Tu en es sûr? Est-ce que tu en es vraiment sûr, James? Tu en es sûr? Ben, c'est que là-bas. Bah, t'as dit oui, mais t'as pas dit le pourquoi, donc moi j'ai continué. C'était ta réplique aussi. Eh bien, c'est que là-bas. Pourquoi? Eh bien, c'est que là-bas. Bien. Eh bien, c'est que là-bas, il y a Voldemort. Et j'ai dit son nom. Même pas peur. À cab. Le mec. Vas-y, fais-la comme toi, tu l'aurais vu, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Ok. Eh bien, c'est que là-bas. Eh bien, c'est que là-bas. Mais alors pourquoi diable? Ah, d'accord, j'avais pas le truc. Ce serait une sorte de piège posthume? D'accord. Me disais aussi. Mais alors pourquoi diable? Ok, je mets vraiment la suspension. Hop. Mais alors, pourquoi diable? Comme ça. C'est tout à fait bien. Mais alors pourquoi diable? Oui, pardon. Mais alors pourquoi diable? Mais alors pourquoi diable? Mais alors pourquoi diable, le gros chien? Ce serait une sorte de piège posthume. Pourquoi je suis aussi énervé? Ce serait une sorte de piège posthume. Ce serait une sorte de piège posthume. Il est 11h maintenant. Hein. Ce serait une sorte de piège posthume. Oh, ce serait une sorte de piège posthume. Ce serait une sorte de piège posthume. Ce serait une sorte de piège posthume. Faux faillot. Mais j'ai toujours du temps pour la famille, tu le sais. Je n'ai d'ailleurs jamais compris pourquoi je jouais aussi mal. Ouais, attends. Non, je vais pas faire ça. Oh, mais j'ai toujours du temps pour la famille, tu le sais. Je n'ai d'ailleurs jamais compris pourquoi une carrière politique ne te tentait pas. Tu aurais tout eu en un battement de cils grâce à moi. Et puis, tu sais, mon petit James, tu rencontres... non, je l'ai fait dans le mauvais sens. Et tu rencontrerais des gens du monde, mon petit James. Ce serait bien, tu pourrais apprendre à grandir. Et je ne sais pas, moi, te dorer sous les cocotiers, comme je fais toutes mes vacances. Oui, je sais. Et tu rencontrerais des gens du monde qui t'enlèveraient ton coquetier, hein? Comme ils l'ont fait. À plusieurs reprises. Et à plusieurs. Mais ils me l'ont volé. Mais tu sais pourquoi? Parce que ce sont des étrangers, mon cher. C'est ça. Quelle horreur. Oh, mais j'ai tout le temps... Pardon, de quoi? Mais j'ai toujours du temps pour la famille, tu le sais. Tu sais... Ah, merde. Tu me fais peur, tonton. Non, arrête de rire. Non, c'est les... il en reste deux. Il en reste deux. Allez. Ouais. Je vais faire ça. C'est pas normal que ça prenne autant de temps. Oh, mais j'ai toujours du temps pour la famille, tu le sais. J'ai d'ailleurs. Je n'ai d'ailleurs jamais compris pourquoi une carrière politique ne te tentait pas. J'ai besoin de boire. Ouais. Je n'ai d'ailleurs jamais compris pourquoi une carrière tantit... J'adore dresser des tentes, moi. Je le fais depuis que j'ai 22 ans. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Oh, t'aurais vu. T'aurais vu notre nuit de noces. Oh, si tu veux, je te passerai la vidéo. Oh, tu peux la trouver sur YouPorn ou un truc comme ça. Vous ne savez plus jouer, hein? Je n'ai déjà... Bordel. Attends, je vais voir un peu. Je n'ai d'ailleurs jamais compris pourquoi une carrière politique... Hein, merde. Allez, on y est presque. Je n'ai d'ailleurs jamais compris pourquoi une carrière politique ne te tentait pas. Peut-être parce que tu es un millénial et que vous aimez tout détruire. Oui, mais c'est bon, j'ai fait une pause, hein. Du coup, la suite, on peut la retirer. Tu aurais tout eu en un battement de cils grâce à moi. Et tu rencontrerais des gens du monde. Ah bah oui, bah là on est à plus de 25 minutes, donc t'es dans la merde, toi, donc. Allez. Mais j'ai... Oh, d'accord. Ah, vous les milléniaux, là, vous voulez tout le temps passer à la réplique suivante. Toi alors, je ne te comprends pas. Eh bien, vas-y, je ferai passer. Eh bien, vas-y, je ferai passer. Toi alors, je ne te comprends pas. Eh bien, vas-y. Non, pardon, le soupir avant. Toi alors, je ne te comprends pas. Ah, eh bien, vas-y, je ferai passer. Toi alors, je ne te comprends pas. Ah. Eh bien, vas-y, je ferai passer. Ouais, bah c'est pareil avec les enfants, hein. Je parle du fait d'avoir des enfants. Attention. Non, parce que c'est vrai que des fois, si c'est mal pris, non, c'était. Je suis pas tordu comme ça non plus. Non, non. Oh non! Oh non!